les têtes un peu poètes. On avait des chansons plein la tête. Même si les gens la tête travers, ils faisaient pas une affaire. Ils disent comme ça que je suis feignant. Que sans travail, y a pas d'argent. Que sans argent, y a pas grand chose. Qu'on peut pas se contenter des roses. Laisse venir, laisse venir. Laisse venir les choses vers toi. Laisse la nature dicter sa loi. Te tracasse pas, te tracasse pas, non. Te tracasse pas et tu verras que ce qui doit venir arrivera. Et Léon persistait à croire que les hommes se trompaient d'histoire. Que l'on peut vivre sans tonnerre, sans courir après un salaire. Il avait jamais vu de pointeuse, ni de fiche de paye malheureuse. C'est vrai qu'il n'avait pas de vacances. Sans boulot on n'a pas de chance. Laisse venir, laisse venir. Laisse venir les choses vers toi. Laisse la nature dicter sa loi. Te tracasse pas, te tracasse pas. Ne tracasse pas et tu verras que ce qui doit venir arrivera. Elle avait toujours cru en l'avenir, en sachant qu'il n'y a rien de pire que de marcher à reculons, d'aller de l'arrière comme des moutons. Lui disait que le bonheur, c'était de voir pousser les fleurs et d'écouter germer les graines en chantant la même rengaine. Laisse venir, laisse venir, oh. Laisse venir les choses vers toi. Laisse la nature dicter sa loi. Te tracasse pas, te tracasse pas, non, non. Te tracasse pas et tu verras que ce qui doit venir arrivera. Laisse venir, laisse venir. Laisse venir les choses vers toi. Laisse la nature dicter sa loi. Te tracasse pas, te tracasse pas. Te tracasse pas et tu verras que ce qui doit venir arrivera.